Vous écoutez les Nuits de France Culture. Ainsi se termine cette nuit d'archives sur le thème « Gouverner », une émission à laquelle participait M. Alain Juppé, qui a publié récemment « Mon Chirac, une amitié singulière » aux éditions Talendier. Au cours de cette nuit, nous avons entendu les deux premières des 19 leçons « Théorie sociologique des démocraties, aspects politiques des sociétés modernes » par Raymond Aron en décembre 1957 sur Radio Sorbonne, « L'art de gouverner, le prince de Machiavel », une émission d'Adèle Van Rett dans « Les nouveaux chemins de la connaissance » 2012, « Question d'époque, le bien commun », Richelieu par Antoine Garapon en 2008, « Une histoire de la raison » par François Châtelet, 10e épisode consacré à Thomas Hobbes et John Locke, proposé par Émile Noël en 1992, « Memento pour une année folle », « Gorbatchev et les glaces de la glasnost », suivi de « Les dissidents au pouvoir », « Lech Walesa », « Vaclav Havel », deux émissions de Pascal Werner, diffusées durant l'été 1990. Puis « Berlusconi a-t-il provincialisé l'Italie ?» par Julie Clarini et Brice Couturier, du grain à moudre 2010. Et enfin, à l'instant, « Ainsi va le monde, historique de la constitution de la 4e République » par Samy Simon, Pierre Desgroupes, Georges Decaune et Henri Sadorge, diffusé en décembre 1946 sur la chaîne nationale. Chargé de cette émission, Hassan Mbechour, à la technique Ludovic Auger, à la réalisation Virginie Mourté. Alban Penaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une excellente journée sur notre chaîne. Vous pouvez télécharger pendant un an et réécouter quand vous voulez cette nuit d'archives gouvernée sur le site France Culture à la page des Nuits. Très bonne journée à toutes et à tous à l'écoute de France Culture. Qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté, qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté. Je dis ma gratitude aux Françaises et aux Français. Je dis ma confiance aux Françaises et aux Français. Je dis ma responsabilité aux Françaises et aux Français. Je dis l'immense joie aux Françaises et aux Français.